Et Raymond Poirier est avec nous en ce lundi, comme toujours, pour parler TI, puisqu'il est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et vous êtes en préparation finalement d'une conférence qui s'en vient. Exactement, jeudi de cette semaine à la bibliothèque Gabriel Leroy, c'est dans le cadre de cette série qu'on présente de manière mensuelle de ce côté. Et ce mois-ci, bien, on s'interroge à l'intégration des médias sociaux dans les organisations et on porte un regard sur cette thématique-là en compagnie de la directrice de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques, qui est aussi professeure au département d'information et de communication à l'Université Laval, Madame Francine Charret. Et bien, comme à l'habitude, la conférence nous sert d'excuse, si on peut dire, pour aborder le sujet et en discuter avec la conférencière qui est avec nous au bout du fil. Madame Charret, bonjour. Oui, bonjour. Et j'ai l'impression peut-être d'emblée, quand on lance le terme médias sociaux, eh bien pour beaucoup, ça fait un peu figure d'incontournable. Donc cette idée pour les organisations d'avoir une approche, une stratégie, une présence sur les médias sociaux. Mm-hmm. Écoutez, effectivement, aujourd'hui, souvent, ce qu'on dit, par exemple, aux organismes qui prétendent ne pas avoir d'intérêt à intégrer les médias sociaux, la première chose qu'on leur dit, c'est que ils ne peuvent peut-être ne pas déjà se développer des comptes et avoir accès à toutes les plateformes, mais à tout le moins, ce qu'ils doivent faire, c'est au moins d'exercer une veille. Une veille qui leur permette d'observer, par exemple, ce qui se dit sur l'entreprise, ce qui se dit sur les concurrents, les fournisseurs, les commerçants. Bon, et de cette façon-là, très souvent, si eux-mêmes décident de ne pas parler d'eux-mêmes, c'est là qu'ils vont constater qu'ils sont déjà sur les médias sociaux malgré eux et qu'ils n'en sont pas leurs propres porte-parole. Alors, ils gagneraient peut-être à déjà au moins observer en faisant de la veille sur ces contenus-là et par la suite, tranquillement, se les approprier et voir comment ils pourraient se développer une stratégie pour donner leur propre discours à la source. Mais justement, quand on parle à des gens qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux, leur première question, c'est qu'est-ce que ça me rapporte si je vais sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais voir mon chiffre d'affaires augmenter? Bon, oui et non. Je dirais que d'une part, c'est d'abord un exercice à long terme. Dans un premier temps, ils ont d'abord à prendre le temps de bien s'élaborer un bon plan de communication dans lequel ils intègrent leur stratégie médias sociaux à l'intérieur de leur plan de communication et qu'ils voient à l'intérieur de ces nouveaux outils, nouvelles plateformes-là, ce que ça peut leur apporter, par exemple, au niveau du recrutement. Lorsqu'ils peuvent recruter au niveau d'un beaucoup plus grand bassin, dans un marché très spécialisé, par exemple, comme quelqu'un dernièrement qui me disait qu'il avait recruté au Japon, à sa grande surprise, alors qu'il n'aurait jamais pensé par lui-même faire une offensive de recrutement jusqu'au Japon pour son organisation. On sait, par exemple, que c'est une façon de faire, comme on disait tout à l'heure de la veille, un monitoring à faible coût. C'est une façon, par exemple, de développer des relations clients avec, comment dirais-je, des approches plus interpersonnelles, mm-hmm. plus personnalisées, plus dans une forme de communication bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens, installer ce qu'on appelle une conversation. Ça permet de développer des contacts beaucoup plus humains, de proximité et à très faible coût. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que finalement on décide de peut-être, éventuellement, dans une stratégie, d'intégrer peut-être les médias sociaux, ce qui n'empêche pas qu'on continue à développer tous les autres moyens de communication que l'entreprise fait déjà très bien, avec des médias traditionnels, avec des communications internes, de la publicité, etc. Et les médias sociaux, mais sont un outil supplémentaire à pouvoir développer une meilleure communication avec leur clientèle. Et d'ailleurs, Francine Charest, j'aime bien cet élément que vous amenez, donc l'idée que c'est une autre relation, oui. Parce que d'une certaine façon, ça change un peu la disposition entre la personne qui émet de l'information et la personne qui la reçoit. Ça favorise un dialogue au-delà du pur rôle d'émetteur et de récepteur qui était traditionnellement lié à cette cette relation à la sphère médiatique en général? Et c'est exactement ça. C'est que les médias traditionnels, on avait développé une méthode, une façon de communiquer, une stratégie avec laquelle nous étions tous très à l'aise, qui était celle où on était un émetteur, il y avait un récepteur, et on communiquait de façon unidirectionnelle envers l'émetteur. Tandis qu'aujourd'hui, on part de l'autre posture. On part d'une posture de récepteur et on observe en faisant de la veille, comme je disais, sur les médias sociaux. Et ça nous place en position de raffiner notre message, raffiner nos contenus pour être capable de revenir auprès de nos clients avec des questions qui les préoccupent, les concernent. C'est une façon, vous savez, c'est comme faire du focus group à la journée longue. Et finalement, à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, on prend le pouls de sa clientèle et on ajuste toujours nos contenus. Alors, ça nous permet d'être beaucoup plus pertinents, beaucoup plus près des besoins réels d'information et de communication de nos publics. Et ça nous permet de pouvoir s'ajuster très rapidement. Alors qu'habituellement, une campagne traditionnelle de 13 semaines, une fois qu'elle est établie, on ne la modifie pas comme ça. On ne peut plus aller modifier ses panneaux d'affichage. On ne peut plus aller modifier son 30 secondes. On ne peut diffuser en onde, en heure de grande écoute. On ne peut plus. Vous savez, c'est très difficile de récupérer un message traditionnel. Alors que en allant prendre le pouls régulièrement de nos clientèles, on risque de répondre beaucoup mieux à leurs besoins. Et ça demande donc d'être à l'écoute et de répondre aux demandes. Donc, on pourrait dire que mal utiliser les réseaux sociaux par ne pas répondre, par exemple, c'est pire que de ne pas les utiliser. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on dit qu'au moins être au courant de ce qui se dit sur notre organisation, nos employés en parlent beaucoup. On n'en est pas toujours conscient, mais nos fournisseurs, nos clients, etc. Et on est gagnant à essayer nous-mêmes d'aller répondre par la voie officielle plutôt que de laisser les autres occuper ce terrain médiatique-là. On a intérêt à devenir notre propre voix. Et en même temps, d'ailleurs, j'imagine que c'est des choses que vous observez beaucoup à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques, justement, dans la mesure où, avec ces outils-là, avec les médias sociaux, la gestion de crise, qu'elle soit petite ou grande, ne se fait plus non plus à la demi-journée au communiqué de presse, mais se fait pratiquement aussi en temps réel, pratiquement en instantané. Et c'est exactement ça. C'est de façon instantanée, en temps réel, et on peut même minimiser de beaucoup l'impact lorsqu'on la prend à la source. Par exemple, lorsqu'on prend une fausse rumeur, lorsqu'on prend un commentaire d'un client mécontent, lorsqu'on voit bien la brouille s'installer dans les commentaires sur nos médias sociaux et sur les autres pour lesquels on a déjà identifié qu'on voulait suivre certains influenceurs comme certains médias, par exemple, certains journalistes typiques qui documentent nos produits, nos services, etc. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on peut intervenir très tôt dans le processus, on peut même éliminer, voire même presque diminuer l'impact, minimiser l'impact, voire même régler la crise, ce que j'appelle une crisette, parce que très souvent, une crise, lorsqu'elle est prise dès ses premiers signes avant-coureurs, on peut tout de suite la gérer et en minimiser l'impact et les coûts et les dégâts et sur la réputation et sur un service ou etc. qui concerne notre organisation. Et en même temps, ce qui est fascinant quand on regarde le phénomène assez large des médias sociaux, c'est la vitesse à laquelle ils se sont imposés. Et j'ai l'impression qu'à travers cette vitesse-là, il y a beaucoup d'usagers comme d'organisations qui ont été un peu laissés en arrière et qui ne savent pas non plus exactement comment composer avec ces nouvelles réalités-là. Et c'est exactement ce qu'on enseigne même à nos propres étudiants à l'Observatoire. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des recherches de terrain, par exemple, et on entraîne nos étudiants à détecter très tôt ces signes avant-coureurs-là et comment on prépare une stratégie de réponse dans des cas de crise, par exemple. Dans quel délai, auprès de qui, comment on peut inviter un usager à discuter du problème éventuellement sur une autre plateforme en disant ben écoutez, j'ai pris en compte votre commentaire, je fais ma recherche, on se donne rendez-vous dans une heure, donnez-moi un numéro où je peux vous rejoindre. Ou, alors on peut déjà faire une recherche, on peut réagir rapidement, on peut essayer de documenter en revenant auprès de la personne. Et très souvent, la personne qui a émis un commentaire négatif ou une plainte, lorsqu'elle voit que son propos a été pris en compte et qu'on lui dit qu'on va s'en occuper et qu'on va revenir avec une réponse dans les meilleurs délais, bien, très souvent, ça apaise, ça nous permet de gagner du temps et ça nous permet d'aller plus en profondeur dans l'analyse du problème et de revenir auprès du client mécontent et ou du commentaire négatif ou autre. Et ça nous permet à ce moment-là de pouvoir encore là réagir très tôt dans la crise qui se résout très souvent dans l'heure qui a suivi, là. Et parallèlement à tout ça, quand on parle aussi, Francine Charrette, de médias sociaux, j'ai l'impression, en fait, pour beaucoup, on pense tout de suite à Twitter, à Facebook, mais c'est très large. Il y a aussi Instagram, Flickr, YouTube, il y en a des blogs, des panoplies d'autres. Et j'ai l'impression que chaque média a un peu son approche et son type de présence. Qui est pas, on peut pas faire du copier-coller de l'un à l'autre non plus. Non. D'ailleurs, chacun est particulier et répond à un objectif très précis et a un contenu très précis à être diffusé sur ces plateformes. C'est pour ça que je reviens à dire que, dès le départ, quand je disais c'est important de se planifier une bonne stratégie d'intégration de médias sociaux, parce que, d'une part, c'est de faire l'inventaire de ces médias-là, en élaborer les forces, les faiblesses, pour savoir quel contenu on diffuserait sur ces médias-là, à quelle fréquence, à quel besoin ça correspondrait, le besoin organisationnel aussi, pas le besoin du client, mais le besoin organisationnel aussi. Par exemple, si on veut mobiliser un grand nombre de gens en très peu de temps, très souvent on va y aller avec le Facebook de l'organisation, ou si on veut réagir très rapidement en faisant de la veille dans auprès de leaders d'opinion, journalistes, médias et autres, et qu'on veut pouvoir répondre très rapidement, on va pouvoir aller sur un Twitter, suivre les conversations qui se disent en temps réel. Si on veut mettre des photos d'entreprises sur l'évolution de, je sais pas moi, d'une certaine partie de l'usine qu'on veut faire des portes ouvertes à nos clients, employés et autres, ben on peut s'installer un Instagram, diffuser sur YouTube. Voyez-vous, donc, chaque contenu est très, très spécifique à une information. Chaque plateforme est très spécifique à un contenu qu'on veut diffuser. Et c'est pour ça que je dis ils sont tous très complémentaires. Et il ne s'agit pas non plus de vouloir aller tous les utiliser et tous en même temps et tous les instaurer dans la même journée. Et donc, on y va petit à petit, on élabore des plans stratégiques pour chacun, des calendriers éditoriaux pour chacun. On regarde, on planifie les ressources dont on dispose parce que, contrairement à la croyance populaire, oui, c'est faible coût, mais il y a un coût réel quand même en temps humain, dans le sens que ça nous prend des gestionnaires de médias sociaux, ça nous prend des animateurs de communautés, ça nous prend des ressources internes pour être capable de les gérer aussi. Alors, oui. Et évidemment, enfin, on invite les gens à poursuivre le dialogue avec vous autour justement de ce sujet-là. Il y a la conférence donc du jeudi 13 mars sur l'intégration des médias sociaux dans les organisations qui déjà est assez en demande. Je crois qu'elle affiche presque complet. Mm-hmm. Et sinon, ben, si on va avoir un peu plus d'informations sur les activités de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques, il y a le site web donc omsrp.com.ulaval.ca. Francine Charrette, directrice de l'Observatoire, professeure au département d'information et de communication à l'Université Laval, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toi, Raymond, aussi, de cet invité. Alors, on peut retrouver cette entrevue si on vient d'arriver à la toute fin sur le site de l'ITIS. Oui, itis.ulaval.ca. Et vous avez également accès à l'ensemble de la programmation des activités de l'Institut. Et on se reparle donc la semaine prochaine. Raymond Poirier, merci beaucoup.